Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ludologie. Ludologie, le jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Céline. Et nous sommes ici pour discuter d'un sujet qui est comment gérer une communauté de joueuses et de joueurs. Pour étudier ce sujet-là, nous avons un invité, Yann Chauvière. Bonjour Yann. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Yann, est-ce que tu peux te présenter ? Je pense que beaucoup de gens te connaissent aussi sous pseudo de CDV. Est-ce que tu peux te présenter sur l'angle du sujet ? Alors, en quelques mots, j'ai fait des études de philo et je faisais de la musique. Et logiquement, j'ai commencé à faire de la vidéo sur le jeu vidéo en 2008. À l'époque, on était vraiment précurseurs. On a fait donc de 2008 à 2015, je crois. 88 mails à l'heure, puis Speedgame, et parallèlement à ça, on a fondé la communauté Nesblog, qui était une communauté de personnes, du coup, parlant de jeux et de jeux vidéo. Enfin, initialement de jeux vidéo, ensuite on a élargi aux jeux, à la fois avec humour et avec un recul critique. En parallèle de ça, sur la même période, j'ai fait partie des personnes qui ont beaucoup aidé au développement du Stunfest, qui est un festival des cultures ludiques qui a lieu à Rennes, souvent en mai. Donc ça pouvait être, j'ai aidé tout ce qui était pôle musique, speedrun, et surtout aussi j'ai créé le pôle du coup conférence que je coordonne depuis avec du coup l'aide de différentes personnes, ça dépend des années. Et en l'occurrence en ce moment c'est avec une des personnes de Ludologique, Emmanuel, du coup pour l'édition qui arrive et les deux éditions précédentes. Et donc voilà, inviter des gens pour parler de jeux vidéo et ces dernières années, alors que je pensais à l'époque arrêter les vidéos ou les initiatives sur le speedrun à proprement parler, qui est une pratique de niche, j'ai commencé avec un ami à développer une communauté justement qui s'appelle Ultime Décathlon. Et c'était vraiment, on a passé plusieurs belles années. D'ailleurs, c'est pas terminé, je parle juste au passé parce que moi je vais sans doute pas la prochaine saison, je vais sans doute pas m'impliquer énormément, je vais prendre une petite pause. Mais ça m'a appris pas mal de choses, c'était une excellente dynamique, une bonne expérience. Alors pour resituer aussi, enfin alors là effectivement on s'est intéressé à aux communautés de jeux, enfin de jeux au sens très large, dans lesquelles tu es impliqué et où tu as eu un rôle, comment dire, d'accompagnateur, voire même d'organisateur parfois. Faut aussi préciser, tu me couperas si je ne dois pas le dire, mais t'es aussi proche de milieux libertaires, etc. Enfin. Donc ce qui donne une approche aussi assez particulière, on pourrait imaginer, je sais pas, une communauté de droite ou autoritaire, or bon là ça va pas forcément être le cas aujourd'hui, mais je vais revenir peut-être à la première expérience communautaire que t'as citée, qui est celle donc du Nesblog. Peut-être comment ça s'est organisé ? Donc, je crois qu'à l'époque, vous étiez tous en coloc, tous ensemble. Comment ça s'est fait et quels mécanismes ont commencé à émerger pour tout simplement avoir une communauté qui puisse vivre et de manière saine ? Alors, effectivement, on va remonter là en 2008 à peu près. Au tout départ, ça a été l'initiative de Ronan, donc Rilmiop, parce que c'était son blog personnel, et assez vite il a dit, notamment moi j'ai fait partie des premières personnes, on a monté notre émission 80 ml à l'heure, et il y a eu d'autres personnes qui sont rapidement arrivées, comme Usul et d'autres. Effectivement on était en colocation, donc ça a été un peu une communauté de vie, et on travaillait ensemble, et d'autres nous ont rejoints, et l'idée c'était de faire un blog, parce que l'internet de cette époque-là, faut imaginer qu'en 2008, Facebook n'est pas encore sorti, YouTube n'a pas été racheté par Google, il n'y a pas Twitter, enfin c'est un internet assez différent, il faut le rappeler, parce qu'il n'y a pas Twitch non plus, donc en quelques années, il y a eu pas mal de choses révolutionnaires, ou du moins assez qui structurellement ont complètement changé la manière dont on a à la fois notre rapport au jeu, notre rapport aux gens, la socialisation, etc. Et donc, à cette époque-là, déjà on n'était même pas sur YouTube, on était sur Dailymotion pour des raisons techniques, simplement les vidéos ne pouvaient pas excéder 10 minutes sur YouTube à l'époque de mémoire, les gens s'en rappellent même pas, mais c'était 10 minutes. Et d'un coup, Dailymotion était en avance, et ensuite, ils ont fait n'importe quoi. On sait pas les décisions qui ont été prises, mais en tout cas, c'est devenu moins bien, et YouTube est devenu ce que c'est devenu, et on a beaucoup de gens, dont nous, ont migré sur YouTube pour l'hébergement, mais on aimait bien l'idée d'avoir un site comme interface, déjà pour montrer qu'on était ensemble avec un certain nombre de personnes avec qui on travaillait. Il y avait donc une petite communauté qui s'est créée autour de ce site, autour de ce groupe, une sorte d'aura, donc du coup les gens allaient préférentiellement sur le site pour voir les vidéos. Alors certes il y avait des articles, mais on était surtout sur du support audiovisuel, hein. Et cela même avant du coup qu'on utilise les réseaux sociaux pour donner les liens du site en question. Notre manière d'interagir était via des commentaires, donc c'est une sorte de communication asynchrone, c'est-à-dire qu'en gros il y a la production qui est faite, la chose est produite et diffusée, et les gens réagissent et vont dire « j'ai aimé ceci, j'ai aimé cela, c'est nul, c'est bien, etc. » Donc, il y avait ce feedback, on va dire, asynchrone. On y était plus ou moins sensible. Moi, je faisais partie, pour le coup, des personnes qui ne lisaient pas spécialement les commentaires. Je dis pas d'ailleurs que ma position est bonne, c'est juste que c'était, à cette époque-là, une des choses que je voyais qui me gênait déjà à l'époque, dans la communication asynchrone, c'était que les gens avaient tendance en fait à... c'était une minorité de gens qui parlaient, et surtout, à chaque fois, qui n'étaient pas forcément des positions qui étaient nécessairement les plus représentatives. Alors, typiquement, en simplifiant, ça allait dire, par exemple, quand on n'aime pas, on a des raisons de parler, et quand on aime bien, en général, on n'a pas spécialement de raison de le dire. Par contre, dans la rue, quelqu'un va nous croiser et dire « j'aime bien ce que vous faites ». Les gens viennent pas pour nous dire « j'aime pas ce que tu fais », c'est quand même... Ça peut arriver, mais enfin, non, moi ça m'est pas arrivé, j'imagine ça peut arriver, moi ça ne m'est pas arrivé. Par contre, j'ai remarqué que par l'outil, quand c'est asynchrone et que c'est à l'écrit, c'est strictement le contraire. Les gens disent « oui c'est bien, mais quand même, j'aimais bien ça, ou c'était trop court, ou c'était trop long, ou c'était ce qu'on voulait, mais en tout cas ». Et j'avais vu qu'il y avait toujours un risque d'un petit peu du tyrannie en fait du mauvais commentaire. Et c'est-à-dire en gros, petite dépression, j'ai lu un mauvais commentaire, je vais faire ma prochaine vidéo différemment. Et moi, j'ai toujours trouvé ça aliénant, mais même en principe. C'est-à-dire qu'en gros, ça me dérange pas, à la limite, que les gens aiment ou aiment pas. Alors, ça peut paraître très sec, je suis très content que des gens aiment. Mais en fait, le risque, surtout après, si on en dépend économiquement et que du coup, on commence à travailler sur le net, c'est-à-dire à se financer. À l'époque, en 2008, il n'y a même pas de financement, il n'y a pas de pub sur YouTube, etc. Ça arrive un peu plus tard, 2010-2011, les premiers modèles arrivent, donc on commence à avoir la publicité. Vers 2010-2011, les modèles participatifs et autres, que ce soit du crowdfunding, du Tipeee et autres, enfin, au fur et à mesure des années, il y a de nouveaux outils. Et au moment où on commence à se financer, il y a cette logique un petit peu, il y a le risque d'aliénation, parce que du coup, effectivement, il faut être vu, donc il faut faire un truc peut-être plus consensuel au sens, le format qui marche, si on nous dit c'est 10 minutes, il faut faire rire, il faut faire des blagues toutes les 2 minutes, et etc., etc. Faire du facecam, on va dire, c'est une sorte de grammaire. Je blâme pas les gens qui le font, parce qu'effectivement, il y a le côté, hormis le côté égotique de vouloir absolument avoir un grand public, il y a le côté, la nécessité de se financer. Et je le comprends. Mais il y a toujours le risque, en fait, du formatage, il y a une sorte de norme qui s'impose dans la grammaire, dans ce qu'on va faire, et ça peut être aliénant, parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, et donc on se retrouve même pas dans son émission. Non, moi, j'ai toujours été plutôt dans le groupe quelqu'un qui faisait pas trop de concessions. C'est-à-dire, en gros, et donc du coup... Je lisais pas spécialement les commentaires. Donc à cette époque-là, le rapport donc asynchrone, moi j'étais du coup extrêmement distant par rapport à la communauté. Je me suis énormément rapproché quand de nouveaux outils ont émergé, justement, où on avait de la discussion synchro, enfin plus synchro, des trucs ultérieurs comme Twitch pour les diffusions live, j'ai pratiqué, et des outils justement comme Mumble ou comme Discord. Okay. Et là, pour le coup, là, je me suis pas mal impliqué et ça a été une bonne expérience de traiter directement, même à l'oral, des fois avec les gens, même si c'est très éprouvant parce que ça prend beaucoup de temps. C'est marrant parce que ça me fait faire le lien avec le fait que sur Ludologie, on a très très peu de commentaires de façon générale, ce qui veut dire que ce qu'on fait est parfait. on les lirait pas de toute manière. En fait, ça dépend qui. Je pense qu'on est plusieurs à lire ce qu'il y a comme retour. Là, par exemple, récemment, on a eu comme retour que l'udologie c'était le compagnon de la vaisselle, et ça nous a fait très très plaisir. En fait, ça nous a fait chaud au cœur de voir une auditrice, il me semble, en l'occurrence, qui faisait ce commentaire-là. Je rebondis là-dessus parce que tu nous fais un petit peu le Nesblog Origins sur ce récit-là. Et il me semble qu'il y a eu un apport qui a été la communauté de jeuxvideo.com. Oui, tout à fait, en 2011 de mémoire. Alors, petite anecdote personnelle, au moment où, première fois, je me dis « j'en ai marre de faire des vidéos, j'arrête ». Et je commence un boulot de prof de musique dans un collège, comme vacataire, c'était super. Au moment même, où, parce que moi, ça faisait déjà 3 ans que j'en faisais, on n'en vivait pas, il n'y avait pas de modèle économique à ce moment-là, mais c'est, comme je vous disais, 2010-2011, c'est le tournant où il y a des choses qui se font. On reçoit un mail, ça vous dirait de faire ce que vous faites et d'être payé pour le faire? Ok, d'accord. Bon, bah, et on regarde jeuxvideo.com, je connaissais même pas de nom. Parce qu'en fait, je ne lis, en fait, moi, je suis on va dire, un gros joueur quand même, c'est-à-dire que je joue quand même beaucoup de jeux de plateau à jeux vidéo, etc. Mais je lis aucun site, je lis pas de news, je lis rien, pas de trailer, je m'en fiche. Je parle plutôt aux copains, aux copines qui sont eux-mêmes joueurs, et puis on me conseille des jeux, on discute game design, et ça me suffit. Mais après, je suis un privilégié de ce point de vue-là, donc je m'en dispense largement. Mais je me suis aperçu que je connaissais via leur forum, j'étais déjà tombé dessus, parce qu'en fait, ils ont des forums très très grands, qui parfois sont problématiques, on le sait, etc. Quoi qu'il en soit, on a dit oui. Et du coup, on a commencé à faire de la vidéo pour eux, ce qui nous a pas empêché, on a de mettre aussi les liens des vidéos sur notre blog, évidemment, Nesblog. Mais ça a été, en fait, on avait déjà un certain succès, parce que c'était quand même une pratique de niche, mais qui, curieusement, a eu un succès assez retentissant en 80 miles. On a changé, on a appelé ça Speed Game. Et là, ça fait bizarre de le dire, mais à l'époque, on a fait des émissions qui faisaient, chaque émission faisait entre 200 et 300 000 vues. Donc ça a été, on est passé de 30 000, on a multiplié par 10 notre visibilité. Donc c'est-à-dire que ça démultiplie les commentaires. Donc autant, moi je les lis pas spécialement, mais j'ai des amis qui les lisaient, donc ils m'en faisaient écho des fois en disant « il y a beaucoup de gens qui pensent ceci, il y a des gens qui pensent cela ». Et du coup, quand on gagne en notoriété, bon il y avait toujours le côté asynchrone, parce qu'on est toujours sur du commentaire sous une vidéo, mais on commence à avoir des haters, quelles qu'en soient les raisons, à la limite des fois c'est justifié, enfin la haine n'est jamais justifiée, mais on va dire on peut désapprouver formellement ou le fond, etc., et c'est légitime. Mais là c'était genre par exemple « ouais j'aime pas, ils sont mal coiffés ». Il a une barbe. Non, c'est carrément du ad personam. C'est des attaques personnelles. C'est et des fois avec une grande violence. Avec du coup, c'est pour ça que des fois psychologiquement, faut gérer les commentaires. C'est faut s'accrocher parce que on va être, on va des fois avoir de la haine qui peut être déversée. Donc faut être vraiment solide. Donc des fois un moyen c'est de pas lire les commentaires. Et ça a été d'autant plus difficile de suivre un petit peu tout cela parce que autant moi je les lisais pas, mais des fois on me disait oh vous devriez lire un peu vos commentaires et faire de la modération. Ce qui peut être légitime parce que des fois par exemple typiquement on avait invité des copines et c'était parti propos transphobes, mais genre c'était genre et on était en 2011 alors on n'était pas en 2018. Alors, déjà qu'en 2018, mais alors en 2011 ok. Et le truc, c'est que c'est hyper difficile, parce que déjà, naturellement, enfin, je trouve ça déprimant les commentaires, mais en fait, comme c'est pas centralisé, on n'a pas un fil de discussion, on commence à avoir 80 vidéos. Donc, faut suivre, en fait, du coup, chaque vidéo, potentiellement, il peut y avoir un commentaire problématique, etc. C'est démultiplié, parce qu'on a le blog. A priori, sur Nesblog, on n'avait pas trop de commentaires problématiques, c'est-à-dire en tendance. Bon, il y a YouTube, il y a jeuxvideo.com, ce qui fait que ça commence à faire des... En fait, c'est ingérable cognitivement. Moi, c'est la surcharge cognitive, c'est impossible. Enfin, c'était genre... donc, du coup, on pourrait désactiver les commentaires, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais du coup, c'est une vraie question, c'est que on n'a pas de suivi. C'est-à-dire que même si les gens commentent, s'ils commentent pas, genre, la vidéo qui vient de sortir, ben, très souvent, on va pas être au courant. Il y a tellement de plateformes, tellement d'occurrences de vidéos. Comme c'est justement pas sur un blog, mettons avec un suivi ou sur un Discord... Eh ben, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a plein de choses qui se perdent. Donc, en termes de communication, il y a tellement de choses qui sont dites que c'est naturellement filtré parce que humainement, c'est ingérable. Et donc, effectivement, jeuxvideo.com a été un apport. Déjà, ça nous a permis de vivre de 2011 à 2015, date de nos contrats. Et on a eu une visibilité accrue, ce qui a, du coup, fait qu'on a une certaine popularité, même ça concernait qu'un milieu spécifique. Et c'est à ces moments-là où justement on nous a, en termes de gestion de communauté, parce que là on va bientôt arriver vraiment dans le cœur du sujet, mais donc moi déjà à titre personnel une certaine distance, il y avait des rencontres qui étaient organisées à certaines occasions, qui étaient des festivals ou plutôt des conventions, moi je distingue vraiment les deux, genre on s'assoit derrière une table et on fait des autographes, en gros c'était rencontrer votre communauté. Sur le papier, on a envie de dire, c'est une bonne idée. Eh ben, moi, je l'ai fait une fois, je l'ai jamais refait. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'ai, et encore, je parle à titre personnel, mais les autres partageront un peu parce qu'après, il peut y avoir effectivement, selon nos personnalités, selon déjà si on est plutôt, mais de gauche, je pense que ça peut jouer aussi. Le culte de la personne, c'est un truc que je trouve complètement horrible. C'est-à-dire, si j'arrive, moi, j'aime bien discuter avec quelqu'un, donc la personne nous dit, bon, j'aime bien ce que tu fais, et maintenant, parlons jeu, etc. Et voilà, on se tutoie et on parle tranquillement, mais moi, je l'ai fait une fois, donc signer les autographes. Et ça a été une expérience horrible. Donc, du coup, toutes ces occasions de rencontrer des gens, moi, je les ai pas prises. On nous invitait très souvent à cette époque-là. Mais à chaque fois, on refusait. Donc, au bout d'un moment, on a arrêté d'être invité, ce qui était très bien. Moi, je préférais plutôt aller quelque part et travailler. C'est-à-dire, en gros, proposer soit une conf, soit un truc. Et après, on discute, c'est pas le problème, je veux bien parler de mon travail, parler d'autre chose. Du coup, ça a été des occasions de rencontrer des gens. Mais c'est vrai que ce rapport vertical me posait pas que des problèmes politiques, c'était vraiment psychologique. Enfin, c'était moi, c'est très dur à dépasser. C'est-à-dire que ça me met mal à l'aise, quoi. Je peux pas, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile émotionnellement. Donc, on a eu des occasions de rencontrer des gens. Du coup, c'est rencontre avec la communauté quand on nous a fait ces occasions, ou quand même je vais en tant que bénévole ou en tant qu'orga pour faire des trucs sur un festival, il y a des gens qui viennent, j'adore ce que vous faites, ou qui plus simplement abordent la discussion et disent à un moment, bah oui, enfin, je comprends que la personne me connaît. Mais du coup, oui, donc on rencontre un petit peu les gens, on voit les profils un petit peu qui se dessinent. Mixité sur certains points, moins de mixité sur d'autres. Donc c'est important toujours d'être au moins conscient de... du public auquel on s'adresse, parce qu'en fait nous on n'avait pas de cible, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de cible qu'il n'y a pas de cible de fait. Donc du coup, c'est à dire que moi je disais nous on fait un truc, et après quand on faisait un petit peu la sociologie à gros traits des gens qui nous suivaient à l'époque, essentiellement des hommes, factuellement, alors j'ai plus chum, c'est en 90-10, hein. C'est en gros on est sur du 10% et essentiellement les gens que j'ai rencontrés, essentiellement des blancs. Alors on va dire, certes, c'est pas forcément significatif, c'est plus difficile à mesurer, j'ai pas toutes les stats par rapport à une norme, mais essentiellement, en termes de tranche d'âge, c'était 20-30 ou 18-30, c'était intéressant. Enfin voilà, c'est des petits éléments en termes de, par exemple, une certaine mixité sociale, même s'il y avait une surreprésentation, on va dire, de certaines disciplines comme animateurs socioculturels et ingénieurs, tout ce qui est de près ou de loin lié à l'animation ou à l'ingénierie, à l'informatique, était un petit peu surreprésenté, beaucoup de profs, mais sinon, c'était assez une certaine mixité sociale. Donc c'est important, simplement, d'avoir conscience de ça, parce que c'est toujours intéressant, il faut volontiers se remettre en question, si on est nécessairement fait gênant, c'est intéressant quand même qu'il se trouve qu'on s'adresse de fait à ces personnes-là, et ça fait réfléchir à éventuellement des éléments de langage ou des choses qu'on pourrait changer. Enfin voilà, avoir conscience, au moins faire son autocritique ou a posteriori faire sa sociologie, c'est toujours intéressant, je trouve, pour sa communauté. Je vais juste revenir, alors deux choses, une précision qu'on n'a pas faite tout à l'heure et que je pense qu'on aurait dû. Sachez déjà que l'ulogie fait partie de Nesblog, on l'oublie, mais bon, quand même, donc déjà ça situe aussi un peu notre propos. Alors, pour le coup, là, on parle d'une époque que nous, on n'a pas connue au sein de l'udologie. Enfin, on n'était pas encore dans le Nesblog à ce moment-là. Mais je voulais revenir sur... on a parlé plus là de la communauté de fans et de la gestion de la communauté de fans. Et je voulais voir comment la communauté... Alors, au sein, donc, c'était à Fougères que le Nesblog a vraiment grandi. Comment ça a évolué justement avec cette arrivée d'acteurs qui n'étaient peut-être pas encore aussi questionnables que ça l'a pu l'être après, comme JVC, comme la communauté de fans plus ou moins bienveillante ou toxique. Voilà, comment vous avez géré, comment vous êtes construit peut-être ? Est-ce que vous avez mis en place des garde-fous, ce genre de choses ? Des garde-fous par rapport au fait qu'on grandisse en interne, pas suffisamment, je pense. C'était plutôt en interne sur la manière peut-être dont on a organisé notre travail. Des fois, en fait, on a la tête dans le guidon. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression des années d'être à la tête dans le guidon. Et on n'a pas des fois suffisamment de recul par rapport à sa pratique parce qu'on a des impératifs bassement économiques de payer son loyer. Hein, parce que là, on ne parle pas de millionnaire YouTube. L'Eldorado, merci, mais non. Et donc, non, c'était... on a eu des problèmes d'organisation qui se sont pas nécessairement vus. C'était pas forcément notre relation au public, mais en interne, on a eu des problèmes d'organisation et c'était vraiment lié. Enfin, les problèmes qu'on a eu étaient strictement des problèmes liés à la manière dont on s'était peut-être organisé, à la fois techniquement et politiquement. Enfin, dirons toutes les technologies qui peuvent nous servir. Ça aurait pu être très différent. Parce que du coup, enfin, une des positions, moi, comme je suis forcément matérialiste au sens, marxiste, c'est que pour la gestion de communauté et pour d'autres choses aussi, la manière dont on travaille, en fait, les structures vraiment matérielles de décision, de production, les outils qu'on va utiliser vont conditionner la manière dont ensuite socialement on va s'organiser, la manière dont on va interagir avec les gens. Et tout bêtement, donc là, je fais un saut dans le temps de quelques années pour arriver à l'UD, l'ultime décathlon, qu'on appellera UD parce que c'est quand même plus simple. Le fait qu'on ait eu d'autres outils dont on s'est emparé a fait que ça a drastiquement changé notre relation avec, non pas les fans, mais vraiment un public plus impliqué, parce que quitte à avoir un public grand, je préfère vraiment, j'ai mieux vécu d'avoir un public plus petit mais hyper investi, qui est devenu du coup à l'UD, on était sur un public pour le coup de vraiment peut-être milliers d'inscrits, mais une centaine d'actifs ou d'actives, donc on n'est pas sur des centaines de milliers de personnes, mais par contre des gens avec qui on discute sur Discord, on échange, on peut faire des sondages, on était même à l'oral sur Mumble, et ils étaient hyper investis, et les outils en fait, même bassement entre guillemets techniques, conditionnent vraiment en fait la manière dont on va gérer la communauté, et bien au-delà de l'aspect technique, c'est même politiquement, en fait, ça conditionne beaucoup les relations. Et c'est intéressant de se questionner là-dessus, justement, c'est quels outils sont les plus intéressants pour gérer la communauté comme ceci ou comme cela. Moi, j'ai pas mal réfléchi là-dessus, et les outils qu'on a utilisés ont quand même grandement conditionné, même au sein de l'UD, ça a duré 3 ans, on a des fois changé d'outils. Et ça a fait que les différentes saisons ont eu des visages un petit peu différents. Et ça a été des bonnes choses, souvent. Enfin, les outils ont permis des relations vraiment, vraiment fortes. Pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, donc tu as parlé de la verticalité du système de commentaires. Le principe qu'il va y avoir plein de gens qui vont commenter, mais en fait, il y a tellement de commentaires sur tellement de plateformes que c'est... impossible en fait d'en faire quoi que ce soit et d'y répondre, ce qui peut induire une frustration et quelque part un biais supplémentaire dans la relation entre le public, la communauté et les personnes qui produisent le contenu. Et là tu nous parles de l'ultime décathlon où les outils sont différents, finalement il y a plus d'horizontalité aussi dans la façon de... Et tu nous as pas encore parlé beaucoup de la façon dont tu organisais plus les conférences du Stunfest. Moi, ce qui m'interroge, c'est à quel point est-ce que justement ces outils peuvent induire une autre forme de mixité. Quelle est la mixité sociale et la mixité en termes de genre que tu rencontres plus dans l'UD et au Stunfest, et comment ça pourrait encore évoluer? Alors, je vais répondre en deux points, puisque c'est deux choses différentes, même s'il y a des éléments que je pourrais donner pour les deux, que ce soit pour les conférences du Stunfest ou pour l'UD. Je vais commencer par les conférences du Stunfest. Première fois que j'ai fait les conférences du Stunfest, il faut savoir que à la base, c'est une initiative strictement personnelle. J'ai commencé à le faire, je l'ai fait en mode... le festival était même pas au courant, c'est genre on a commencé à discutailler dans notre tente, c'était en 2010 au Triangle. Donc en mode, on va faire ça et on le fait. Avec un VP scotché, VP avec du scotch. J'ai cru que Thomas allait faire une attaque. On était vraiment... Enfin voilà, c'était un peu à la cool, à l'arrache. VP, tu peux... Vidéoprojecteur, pardon. Excusez-moi. Et donc, en gros, je me suis dit, mais en fait, c'est une bonne idée. Et donc, du coup, j'ai reconduit ça dès 2011. Au début, j'étais tout seul. Alors, je vais peut-être me tromper au niveau des dates, mais j'étais tout seul en 2011-2012. on était à l'INSA à l'époque. Ensuite, il y a Emma qui a fait 2 années avec moi. Emmanuel a fait 2 éditions et va faire la prochaine. Donc au début, j'étais tout seul, c'est-à-dire je contactais les gens, je contactais les hôtels, je faisais tous les sujets. Donc forcément, il y avait un peu de verticalité au sens où je faisais de la coordo et je prenais plein de décisions parce que j'étais tout seul. Mais par contre, une fois que j'avais déterminé en fait des sujets, j'aimais bien l'idée que les gens, je sélectionnais plutôt des profils plutôt que je cherchais pas à avoir des experts ou des expertes. Je sélectionnais des profils et après je leur disais bah voici les sujets. Dites-moi ce que vous avez envie de faire et en mettant des fois des précautions oratoires qui ont été de plus en plus importantes au fur et à mesure des années parce qu'après on s'aperçoit que finalement notamment au niveau du biais du genre. J'ai remarqué des choses, mais classique, le syndrome de légitimité le syndrome de l'imposteur était assez fort, notamment chez les femmes, construction sociale, c'est-à-dire en gros, ah non, je suis pas spécialiste du sujet, je peux pas parler. Ok. Alors que en tendance, les hommes c'était du genre, ah moi je peux faire ça. En fait, je peux tout faire. Mettez-moi où vous voulez. Non, mais c'est vrai, c'est à peine une caricature. Voilà. Après, ça s'est corrigé parce qu'on a mis des précautions oratoires. On a dit, vous êtes légitime. Déjà, on vous contacte, c'est que vous avez un profil intéressant, on cherche pas des experts, etc., etc. Au début, il y avait une surreprésentation des hommes. Ensuite, on a fait les dernières années, ça s'est moyennant des règles qu'on s'était fixées, notamment même de la discrimination positive, on contactait plus de femmes pour qu'on en ait quand même un certain nombre. On n'atteignait pas la parité, mais on est content parce qu'on faisait bien mieux que plein d'endroits où ils étaient à 10%, on était à entre 30 et 40%. À la fois chez les intervenantes et dans l'équipe d'organisation. Donc on a fait des efforts, on continue de les faire et on est content, parce qu'il y a de moins en moins de besoin d'en faire. Ça participe modestement, on va dire, à la mixité, au moins de genre. Donc il y avait d'abord, forcément, il y a un moment vertical, parce que c'est moi qui étais en responsabilité du truc, mais par contre, c'était le côté genre autogestion, donc voilà les noms, vous êtes là, quel sujet vous voulez faire, quelles heures, et ils faisaient leur tambouille. Et ça, on a gardé ça, parce que les gens étaient très surpris. Moi, j'ai naturellement fait ça parce que ça me paraissait logique. C'était genre, vous voulez faire quoi et on a gardé ça. C'est de moins en moins vertical au sens où moi, je délègue plus en plus parce que déjà, quand on était en binôme, la personne, il faut aussi du coup qu'elle se sente bien. Donc, il y a peut-être des sujets qu'elle a envie de faire, pas faire. Pareil pour la modération. Donc, de déléguer un maximum, voire après, même cette année, on va fonctionner où les gens, même au sein de l'équipe, vont suggérer des sujets. Et j'avais toujours cette idée. L'idée, c'est pas d'avoir par exemple des bénévoles qui s'inscrivent et qu'on connaît pas et qui vont être que bénévoles. L'idée, c'est d'avoir des gens en fait polyvalents qui sont capables d'être modérateurs, modératrices, bénévoles micro. Si on se casse une jambe, ils vont prendre des bonnes décisions si on n'est pas là. C'est en gros, donc ça devient une sorte, c'est un peu familial au bon sens du terme. C'est la bande de potes où on rencontre des gens, c'est sympa, ça se passe bien. Et donc du coup, c'est plutôt bienveillant et c'est très agréable. Moi, c'est toujours un régal d'y être en tout cas, de revoir l'équipe, y compris les nouveaux, les nouvelles. Et du coup, ça c'est pour quelques éléments. Donc, fonctionner beaucoup par mail, en l'occurrence, pour le Stunfest. Mixité sociale, elle est forcément moindre, je dirais, parce que il y a des profils qui étaient surreprésentés. Forcément, vu qu'on va demander à notamment des game designers, chercheurs, chercheuses, de venir. Des fois, il y a des joueurs, joueuses. C'est plus rare, mais ça arrive. Mais on va dire que sur le spectre, on va dire socio-professionnel, il y a forcément des professions qui sont plus ciblées que d'autres. Ça, c'est un fait. Des trucs plus connexes aux jeux vidéo, ou aux jeux au sens large. Et on essaye toujours, parce que ça, c'est pareil, c'est de la gestion. Alors, je sais pas si c'est à proprement parler d'une communauté, mais c'est aussi une sorte de garde-fou. Pour le coup, on parle de garde-fou tout à l'heure. Il y en a eu, autant un garde-fou pour dire attention, on fait attention à ce qu'il y ait des femmes, attention aussi, on fait attention à ce qu'il y ait des nouvelles têtes, parce que le risque, quand ça se passe bien, et c'est presque légitime, c'est du genre, ah, ça s'est bien passé, on réinvite les potes, quoi. Parce qu'en fait, on connaît les gens, on sait qu'ils sont compétents, compétentes, qu'ils sont sympas, tout ça, et donc on réinvite les mêmes, et ça va bien, et fondamentalement, ça va pas mal se passer. Mais c'est juste que du coup, on va pas, y aura pas des nouveaux visages. Et nous, on met, en fait, on s'oblige, on dit maximum 50% de personnes qui sont venues l'année dernière. C'est-à-dire, en gros, si on fait la liste des gens. On a envie que ces personnes viennent. On compte, on dit, ah là là, ça fait trop, faut sélectionner. Et donc, du coup, on élimine malheureusement des gens pour faire un premier mailing. Et après, on dit, non, il faut qu'il y ait au moins 50% de nouvelles têtes. Et donc, du coup, c'est un garde-fou qui fait qu'on va se prémunir contre des dynamiques typiquement communautaristes, c'est trop fort, mais c'est quand, en fait, le syndrome bande de potes fermée sur elle-même est peu ouvert, en fait, à la nouveauté. parce que et du coup des nouvelles têtes, c'est des fois des nouvelles paroles, des nouvelles expériences, et c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que des dynamiques de sous-groupe, il y en a dans les n'importe quelle grande communauté, même au sein de l'Ultime Décathlon, on a déjà eu ça, c'est ceux qui ont déjà fait deux saisons et qui du coup socialisent plus facilement entre eux, il y a les nouvelles qui arrivent et ben qui vont un petit peu plus avoir du mal à s'intégrer. C'est très difficile de lutter contre ça. Enfin, moi, les dynamiques de sous-groupe, j'ai toujours détesté ça depuis que je suis tout petit, enfin, au collège au moins. Et on fait ce qu'on peut, ça marche plus ou moins bien, mais voilà, les gens aiment bien faire des groupes de 4-5 où ils socialisent vraiment bien ensemble, c'est assez fou. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est cool d'avoir des amis, mais c'est bien quand même d'être vigilant à ce que c'est des dérives systémiques. Enfin, moi, je suis matérialiste, donc en gros, c'est toujours des que ce soit des oppressions ou des mini-oppressions, de système, en fait, je dis pas que les gens sont mauvais, c'est juste que là, c'est structuré de telle sorte que, techniquement ou socialement, les gens font des choses, et même si c'est des gens gentils, des fois, tu peux avoir des dynamiques de sous-groupe, d'exclusion, etc., donc c'est important d'être vigilant à ça. Et du coup, voilà pour, en tout cas, le Stunfest et pour le Team Décathlon. Par rapport à la mixité, on fait pas mieux spécialement que Speed Game avant, très peu de femmes, en l'occurrence. On a même plus de femmes, limite dans l'orga, que parmi les actifs, on va dire, des joueurs-joueuses. Alors pour le coup, je pourrais presque dire joueurs, hein, parce que c'est quasiment que des mecs. Et quand je dis quasiment, c'est vraiment quasiment exclusivement. Par contre, en fait, il y a plein de copines, dans les spectatrices, il y a plein de gens qui aiment suivre, où j'ai déjà même discuté avec une copine qui du coup suivait, même participait, mais soumettait pas ses temps. Et c'était très drôle, on a discuté, parce que du coup, elle participait, mais avec plus de distance. Hein. C'était amusant d'essayer de voir les raisons, etc. On a essayé de mettre, c'est pareil, des garde-fous. On a fait un certain nombre d'efforts, mais qui ont peut-être été insuffisants. Donc on essayait du coup, pareil, de donner des responsabilités aux gens, mais particulièrement, si on faisait une liste de priorités, aux femmes, du coup, typiquement, comme on est, même s'il y avait de la verticalité, parce qu'il y avait quand même, on était surtout deux à être décisionnaires, mais on donnait un maximum, plus que consulter la communauté via des sondages et des discussions, on essayait aussi qu'il y ait des choses en autogestion, au sens où qui veut être modérateur de jeu, qui veut faire ceci, qui veut faire des tutos, donc on fait participer un maximum, et on a un maximum privilégié les profils féminins. Donc, ça, c'est, en se disant, déjà, c'est bien, et puis peut-être, parce qu'en fait, c'est une question de, quand il y a des modèles, en fait, ce qu'on appelle les rôles modèles, ça peut simplement, les gens se sentent plus en sécurité ou se sentent plus légitimes, etc. Au moins de manière marginale. Après, ça a duré que 3 ans. Ça, pour l'instant, ça va continuer. Mais donc, on a fait ça. On avait une équipe, on avait des filles en l'occurrence dans l'équipe. On a mis les quelques joueuses qu'il y avait, on leur a donné des responsabilités en l'occurrence. Et on utilisait beaucoup, alors après au sein de l'équipe, pas tout le monde, mais l'écriture inclusive dans nos communications. En tout cas, écrite. Dans les trailers, pas nécessairement, mais en tout cas dans les communications écrites, beaucoup d'écriture inclusive. Et on a utilisé aussi une charte à un moment, je ne vais plus en aller, pas dès le début, parce qu'au début on ne pensait pas faire. Historiquement, la première saison, il n'y avait pas de communauté, on n'était que deux. Et c'est les gens qui ont dit on aimerait jouer avec vous, vous voulez pas faire du coup un événement plus ouvert. On a dit ok. Et à partir de la troisième saison, quand ça s'est agrandi, on a eu l'obligation de créer une charte, parce que du coup, plein de gens, c'est cool, on a des profils très différents, mais on peut avoir des gens qui se permettre de dire des choses ou simplement véhiculent en fait utilisent des mots qui sont oppressifs, même si des gentilles personnes, donc on dit attention, faut pas utiliser ces mots là donc il y a des gens qui vont comprendre, il y a des gens qui se sont barrés à ce moment là ça a fait le ménage, genre non, liberté d'expression, voilà, je la refais pas, mais c'est à dire en gros ok, bye bye, c'est pas très grave, hein. Mais du coup clairement la charte a assaini et donc les gens ont fait plus attention à ce qu'ils disaient. Mais le constat, c'est qu'après 3 ans, malgré quelques efforts sans doute insuffisants, il y a eu quelques femmes, mais quand même très peu. Je dirais que même sur les 100 actifs, il y a même, pour le coup, même pas 10% d'actifs. Autant chez les spectateurs, spectatrices, j'ai pas vraiment de chiffres, mais on est sur des chiffres, on est peut-être à 20, 30, je sais pas, quelque chose comme ça. Au niveau des joueuses, il y en a très très peu. Donc ça, c'est un constat. Donc c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, peut-être avoir des idées supplémentaires. Je me rends compte qu'on n'a pas présenté l'Ultime Décathlon, en fait. Donc depuis 10 minutes, on n'a pas présenté le truc. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'Ultime Décathlon est donc, un décathlon, mais de speedrun, c'est-à-dire de jeux qu'on finit très très vite ou dans lesquels on fait un score élevé. sorte de compétition amicale. Faut aussi donner peut-être un peu l'historique par rapport à comment peut-être vous avez eu l'idée. C'est-à-dire que dans Speed Games, vous en avez parlé avec avec Readmeup assez assez longuement, des communautés de speedrun où il y a une vraie émulation, on se donne des conseils, on se partage les meilleurs temps, on trouve aussi des critères de sélection. Alors oui, est-ce que c'est du any pourcent, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire le jeu à 100%, mais il faut juste voir les crédits de fin le plus vite. Il y a tout ça. Et justement, j'aurais aimé avoir ton regard sur ces règles que s'auto-impose la communauté. Quels sont les systèmes de prise de décision communautaire qui rentrent en jeu justement dans alors que ce soit au sein des communautés de speedrunners et de speedrunneuses, mais aussi au sein de l'Ultimate Athlon, puisque c'est un peu ça que vous recréez. Alors du coup, je vais parler de manière générale des dynamiques communautaires par rapport à l'émulation, parce que c'est vrai que moi je fais des réponses longues à chaque fois, donc. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce qu'effectivement, on est dans une forme d'e-sport en fait où l'opposition est plus ténue en fait, où il y a plusieurs manières d'appréhender la relation à l'autre. C'est-à-dire que le speedrun, on va dire de manière schématique, c'est à la fois battre le jeu, donc on n'est pas dans l'opposition directe avec un autre joueur, c'est se battre soi-même, c'est se surpasser, se dépasser. Et après, dans d'autres cas, ça peut être faire mieux que les autres, faire un meilleur temps, gagner un championnat dans le cadre de l'Ultimate Decathlon, etc. Il y a que la troisième où c'est plus de l'opposition directe, on va dire, une compétition ludique. Mais le deuxième, se dépasser, ou le premier, battre le jeu, en fait, on est déjà sur quelque chose qui relève pas de l'opposition directe. Et donc, je pense que ça a contribué au fait que, de par sa structure, il y ait plus de dynamique de coopération, au sens où on va se donner des conseils sur « moi j'ai trouvé telle technique, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela » pour justement progresser ensemble, notamment avec Twitch, les spectateurs, spectatrices qui vont donner des conseils des fois aux runners, où justement il y a une discussion, il y a, alors j'irai pas jusqu'à autogestion, mais il y a une gestion quand même un peu autonome de chaque jeu, sachant que ça n'a pas toujours été le cas. Faut savoir, là je fais vraiment à très gros traits, avant que, enfin là je vais pas non plus revenir trop loin dans le passé avec Doom, Super Metroid et tout ça, mais on va dire à l'époque SDA, donc Speed Demo Archive, qui était plutôt une sorte de chose qui centralisait, c'est eux qui faisaient des règles de manière assez autoritaire, et c'est pas pour d'ailleurs, c'est juste un fait, hein. Ils faisaient bien du travail, mais ils avaient des règles a priori, qui s'appliquaient à tous les jeux. Ça a marché un certain temps, puis après le live est arrivé, il y a tout un tas d'éléments qui ont fait que les gens, du coup, ont fait tout un tas de communautés liées à des jeux, un petit peu en s'autogérant, en disant, par exemple, nous on va plutôt, c'est plus pertinent relativement à notre jeu de faire ça, donc on va en discuter. Donc on va dire qu'il y a des dynamiques un petit peu démocratiques, même si aussi des fois il y a des dynamiques même au sein de... Ça a beau être démocratique, je veux dire, tout le monde n'a pas voix au chapitre, tout le monde n'a peut-être pas la même importance, si on est meilleur, qu'on est un plus gros streamer, enfin, il y a tout un tas de dynamiques auxquelles on n'échappe pas, déjà, si on n'a pas pris de recul par rapport à ça. Des fois, il y a le poids de la tradition, allez, la décision a été prise, et donc du coup, maintenant, on fait comme ça. Mais il y a toujours des gens qui vont dire, moi je m'en fous, je fais ma propre catégorie et je joue, je m'en fous. Mais voilà, effectivement, du coup, maintenant, c'est plus la logique. Un site qui centralise beaucoup, mais au bon sens du terme, c'est juste pour naviguer facilement, c'est speedrun.com. Chaque communauté, chaque jeu peut décider ses propres règles. En termes de qualité de vidéo, de ce qu'il faut faire, de machin, de critères d'exclusion, d'inclusion, pour, etc., pour s'inscrire. Enfin, c'est assez simple de s'inscrire. C'est vérifié, donc c'est vraiment chaque jeu est géré par la communauté du jeu en question. Nous, pour revenir sur l'ultime décathlon, à la base, la première saison, nous n'étions que deux. Nous n'avions pas, au tout début, l'idée de faire une communauté. On était sur l'idée, on produisait un show. L'idée, c'était de s'entraîner sur 10 jeux, parce que le décathlon, 10 épreuves, on est dans du speedrun, terminer 10 jeux rapidement. On avait une petite liste. Twin et moi, même, du coup, on s'est entraîné pendant quelques mois. Moi, un peu en dilettante. Mais disons que on avait pour idée de faire juste à un moment une confrontation qui était un match live avec tout un tas de commentateurs, de potes qui étaient là pour commenter la finale. Ça a duré 2 jours de mémoire, c'est un super souvenir. On l'a fait dans mon salon et dans ma cuisine de l'époque. Ça a marqué plein de gens, voilà. Et les gens ont commencé à dire « mais c'est trop cool, on aimerait bien jouer avec vous ». Donc à la saison 2, on n'avait pas encore le site à ce moment-là. On avait du coup des documents Excel. Donc on a fait plein de documents Excel avec des formules, les gens soumettaient leur temps, etc. Et nous, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, l'UD au-delà d'un événement, c'est un véritable jeu, au sens où, même si dans un jeu classique, on a des briques de gameplay. Là, nous, une partie de nos briques de gameplay, ça va être des jeux par ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, l'événement, c'est il y a 10 jeux. Ça peut être Dark Souls, ça peut être Super Meat Boy. Il y en a 10. C'est des briques, en fait, des expériences, des types de gameplay, etc. Mais il y a des choses qui vont les lier, qui vont être un système de score. Les gens vont pouvoir soumettre leur temps pour participer à un championnat, première manière de jouer. Deuxième manière de jouer, c'est de participer à des tournois et de faire le mieux possible. Donc du coup, c'est orienté soit tournoi, peut-être même en vue de se qualifier pour notre dernier tournoi final, notre tournoi final qui est dans un cinéma, ou participer au championnat, voilà, en soumettant ses temps. Et avec toujours cette idée que le soumettre en vidéo pour que les gens puissent regarder, partager les techniques. Et nous, on a eu une superbe émulation, en fait. Les gens sont tellement contents de partager une technique, de montrer ce qu'ils ont fait en vidéo, de s'encourager, de dire « Ah là là, tu feras mieux la prochaine fois ». Enfin, une dynamique très positive. Même si, par ailleurs, ils essayaient d'avoir le plus de points ou d'avoir la meilleure place au championnat. Et un truc, nous, qui nous a, en termes de game design, qui nous a pas mal prémunis contre des dynamiques peut-être trop compétitives au sens négatif du terme, même si certaines de nos saisons ont par ailleurs été peut-être vécues par certains ou certaines de manière trop compétitive, c'est qu'on a un système de score qui est absolu. C'est-à-dire qu'il n'est pas relatif à vos performances par rapport aux autres. Au sens où, mettons la F1, j'ai beau faire une super course, si je suis quatrième, j'ai tant de points. En fait, le système de points est corrélé au fait que des gens vont faire plus ou moins bien. Nous, c'est absolument pas le cas. On regarde juste la performance, on dit, ça vaut par exemple 1100 points, tu as 1100 points. Après, par ailleurs, peut-être que plein de gens font 1500. Donc si ça t'intéresse de te confronter, t'as ton classement, on cumule et tu es par exemple 7e ou 8e. Mais t'as toujours la possibilité de te dire, mon but c'est de faire 1000 points, je les ai fait, je suis content, je m'en fous des autres. Donc on a un système qui n'est pas corrélé directement à la place. Après, on classe les gens par score, comme dans du scoring, et donc si ça les intéresse, dans le championnat, ils peuvent du coup dire, tiens, je vais essayer de faire d'être dans les 30 meilleurs, ou en tournoi, si on fait des qualifs, on prend les 8 premiers. Des fois, pour les qualifs, on disait même carrément, c'est ceux qui ont plus de 1500 points, donc c'est pas un nombre clos, c'est tout le monde peut se dire, ah tiens, je vais essayer de faire 1500 points. Donc en gros, nous, ça a été un système de points, un élément de game design qui nous a permis d'atténuer la confrontation trop directe, c'est que, on peut se fixer son petit objectif de faire tant de points, etc. Ce qui a été une bonne chose, je pense, parce que ça a permis aux gens de se fixer des petits objectifs, même si les gens, ça c'est un truc qu'on a essayé de combattre, mais qui a été extrêmement difficile, des fois on a sans doute échoué là-dessus, c'est que de saison en saison, ce que nous, à la différence d'un jeu entre guillemets classique, il y a des jeux qui fonctionnent par saison, mais nous, c'est vraiment, ça ne fonctionne que par saison, c'est-à-dire qu'on a un début, on a une fin, et dans les périodes dites d'intersaison, les gens ne peuvent plus jouer, ils retournent à leur vie, on va dire, entre guillemets, civile et ludique. Les gens ne peuvent plus ni faire des tournois, ni participer au championnat. Ils ne peuvent plus rien soumettre, c'est fini, et la prochaine saison débutera par exemple en 2019. Donc le jeu est borné dans le temps. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on changeait un petit peu les règles d'une saison à une autre, parce que on jugeait ça pertinent, on a d'ailleurs des fois, on a pu se tromper, on a fait des erreurs, on faisait des diagnostics et on se trompait, on a eu aussi pas mal de bonnes idées, et c'est que les gens, ils arrivaient avec leurs habitudes de la saison d'avant qu'on n'arrivait pas à déconstruire. C'est-à-dire qu'en gros, dans le système de score, si dans une saison on disait ça, par exemple 200 points, c'était vraiment miraculeux dans la saison d'avant, et on a changé notre système de score, en plus c'est des jeux différents à chaque fois, il faut le préciser, qu'on essayait d'être le plus inclusif, donc il y a quasiment 10 gameplays différents, l'idée c'est que peu importe le profil, on puisse du coup au moins faire quelques jeux et s'intégrer. Et les gens reprenaient, en fait, même si on changeait le système de score, peut-être que 200 était impossible dans cette saison, ou au contraire 200 était relativement facile, ça n'avait pas le même sens, et on le disait, et on faisait un travail pédagogique là-dessus, en le disant, en vidéo, à l'écrit, dans les commentaires, tout le temps, les gens étaient là, oh là là, j'arrive pas à avoir 200, c'est pourri, ou oh là là, 200 ça veut rien dire, et donc les gens se plaignaient, enfin, il y a des balises qui avaient été posées, et d'une saison à l'autre, c'était hyper dur à déconstruire. Les gens avaient des habitudes qu'ils avaient prises pendant 4-5 mois. Et si on faisait quelque chose qui était différent pour des raisons, certaines raisons qui relevaient du game design ou de la gestion de communauté, c'était super dur à déconstruire. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un peu le poids des anciens. C'était qu'en gros, il y a les nouveaux nouvelles, ils arrivent et eux, a priori, bon, ça va. Mais alors, les gens qui sont là depuis longtemps, genre... Oh là là, y a pas ça, y a plus ci, et donc du coup, ils sont un peu bousculés et c'était très compliqué de déconstruire ses habitudes. Donc c'était très amusant d'essayer, des fois difficile, de concilier justement de concilier tout ça, quoi, d'amener des nouvelles choses sans que ça bouscule trop les gens, que ce soit compris. Et on s'aperçoit que des fois il y a des choses qui sont pas comprises, quoi. Et alors ça peut être, du coup, faut plus se dire, on n'a pas réussi à le dire. comment on aurait pu faire peut-être pour que ce soit compris, que les gens soient dans cette dynamique précise, parce que du coup, autant ça y parvient, mais des fois la dynamique est pas celle qu'on a voulu impulser, et clairement, du coup, on se dit bon ben, soit on aurait pas dû prendre cette décision, ou on l'a mal communiqué, et on aurait dû procéder différemment. Comme tu le sais, et comme nos auditrices et auditeurs le savent, donc ludologie, c'est le jeu sous toutes ses formes. Là, on a beaucoup parlé de jeux vidéo, ce qui induit probablement des biais en soi dans la façon dont on conçoit la gestion communautaire et tout. Donc, la question logique qui s'en découle, c'est est-ce que tu penses que par rapport à d'autres supports ludiques, je pense aux jeux de rôle, mais par exemple aux jeux de plateau où tu peux avoir une expérience aussi, comment ça s'organise une communauté de jeux, comment on gère une communauté de jeux de plateau par exemple? Alors autant je joue énormément aux jeux de société, mais je me suis pas nécessairement retrouvé dans la position de gérer à proprement parler une communauté de jeux de plateau, parce que dans un local autogéré à Fougères, les Oiseaux de l'Entempête, moi je suis relativement actif et je sais que j'organise un certain nombre de soirées jeux. Donc à petite échelle, on peut parler d'une communauté, mais là on est sur des échelles différentes. C'est-à-dire que déjà c'est simplement, on parle pas de centaines de milliers ou même de milliers de personnes, c'est entre 5 et 20 personnes, c'est un tout petit cercle qu'on voit de visuel. On peut discuter, on peut décider du coup de manière vraiment souvent démocratique, parce qu'on est un plus petit nombre, donc déjà c'est extrêmement facile, chacun peut avoir vraiment un temps de parole, discuter, on peut voir le langage non verbal, on est autour du tas, moi c'est quelque chose que j'adore, parce que moi faut savoir que curieusement j'ai une pratique de jeu vidéo qui est extrêmement solitaire, alors que je gère des communautés, mais je ne joue quasiment à aucun jeu multijoueur. Moi je préfère jouer seul, par contre j'aime bien que les gens jouent ensemble, parce que je trouve ça cool, c'est complètement fou, donc je vais tout faire pour que les gens fassent du lien social, mais moi je joue seul souvent sur les jeux vidéo, sauf pour les jeux compétitifs de stratégie, tour par tour, genre les cartes. Et là, ok, là on peut discuter. Et là, je vais être à fond et j'adore en fait être très bon et voilà. Mais sinon, donc du coup, moi j'adore l'aspect social et l'aspect se voir de visuel, où du coup on peut fixer un calendrier qui convient plus aux gens, se dire tiens, bon, je fais pas une partie de Mahjong, une partie de Battlestar Galactica par mois, on fixe des dates, on fixe des rituels. Et du coup, on va pouvoir se voir éventuellement, même il y a des gens qui arrivent, vous ont fait des gâteaux, jouer avec des potes, on joue même le dimanche matin. Les gens vont dire quoi, dimanche matin? Alors tout le monde n'est pas content, ils sont là le dimanche matin, vous n'êtes pas sympa, les gens peuvent pas venir. Mais le fait, c'est que c'est un petit déjeuner partagé. Donc on arrive, c'est que chacun amène un petit déjeuner, on le partage ensemble. Donc il y en a qui arrivent avec des oranges pressées, des croissants, des machins, et on joue au Mahjong. Et c'est trop cool. Il y en a qui arrivent avec les enfants et tout ça, les petits bébés. Donc chacun gère un peu les enfants de manière collective aussi. Bon, là, on est dans un local autogéré, donc il y a beaucoup l'idée de gérer de manière collective. Et ça se passe excessivement bien. Enfin, moi, j'adore. Mais là, c'est des toutes petites échelles. On peut aussi utiliser les outils numériques, justement, parce qu'on a un cloud pour, donner des informations aux gens, mettre des documents, etc. Mais on fait aussi des AG de visuel tous les mois où les utilisateurs et utilisatrices peuvent venir et proposer des activités. Mais là, comme on est sur un modèle autogestionnaire, n'importe qui arrive, au fait, j'ai une idée, ok, tu l'as fait, on te donne les clés et c'est parti, quoi. Tu fais déjà partie de l'équipe, quoi. Donc c'est très simple, faut aller aux AG. Donc les dernières AG, c'est pas bien, j'y suis pas allé. Moi, je disais plutôt, faudrait parler ci, faudrait parler de ça. Donc du coup, je mandatais des gens en disant voilà les problèmes ou les machins, mais en fait moi il y a besoin de faire valider de manière démocratique les nouvelles idées, mais une fois qu'un truc a été validé, moi je fais que des choses tous les mois, je sais que j'ai mes 4-5 créneaux, 6-7, enfin je fais beaucoup de créneaux qui sont toujours les mêmes avec toujours les mêmes problématiques. Donc ça va être du jeu, des réunions politiques donc je les fais pas seul d'ailleurs, mais sur le communisme libertaire ou avec le groupe féministe, il y a tout un tas de trucs. Donc du coup, c'est déjà validé, donc on les fait, on pose les dates, on essaie de créer des rituels, de faire si possible les mêmes jours, parce que là comme on est sur un lieu, contrairement pour le coup à entre guillemets les outils qu'on peut avoir qui sont strictement numériques, où on a un lieu en fait qui va être spécifique à une pratique, par exemple le Discord de l'Ultime Décathlon, a priori même s'il y a des channels où on va pouvoir discuter d'autres choses, on sait que là on parle de speedrun, de jeux vidéo, etc. Là il y a des réunions politiques, il y en a qui font du tricot, il y en a qui font des jeux de société, tout un tas de trucs. Du coup déjà c'est très très mixte au niveau des activités. Donc du coup et les gens font souvent plusieurs activités qui les proposent ou qui y participent. Donc du coup on est sur des gens, on est sur des habitants très souvent, qui vont par ailleurs participer à plein d'activités. Donc c'est extrêmement mixte et c'est vraiment très enrichissant. Mais on est sur des toutes petites, enfin des petits, des quantités de personnes qui sont moindres, mais j'ai eu écho aussi pour la parler, j'en parlerai pas longtemps parce que ma parole ne serait pas du tout légitime. C'était sur les effectivement, par contre, si on parle des communautés de des fois de jeux de plateau ou de jeux de rôle sur internet, qui reste, enfin, quand des fois les gens peuvent pas se voir de visuel, effectivement, ils peuvent passer des choses, mais encore une fois, on est normalement a priori sur des communautés moindres que sur le jeu vidéo. Enfin, les chiffres à la fois de vente de jeux et de gens qui jouent régulièrement à ces jeux, en fait, sont moindres. Au moins pour le jeu de rôle, le jeu de société, c'est assez large, mais en tout cas, c'est un facteur qui est hyper important, la masse, la quantité de joueurs et de joueuses potentiels investis, etc. Et si au niveau des gestions, par contre, là j'y participais, j'adore les forums. Mais par contre, je suis quelqu'un qui y participe pas, mais je suis un énorme lecteur de forums de jeux de société avec les gens. Les gens expliquent leur stratégie. Des fois, les gens font des bons raisonnements. Des fois, les gens disent des trucs vraiment faux. Et c'est donc les gens. Les gens font des tier listes et puis les gens proposent des modifications. Moi, j'adore hacker les jeux, c'est-à-dire au sens cette règle me convient pas, je la modifie. C'est ça que j'adore avec les jeux de société. D'ailleurs, c'est que des fois, on lit mal les règles, donc on joue pas tout à fait au même jeu. Et c'est la vie. C'est, tant pis. Ou des fois, c'est juste, c'est qu'on peut abuser cette mécanique. Surtout quand il y a des gens qui ont des profils de joueurs ou de joueuses, c'est-à-dire, moi, je suis avec des gens qui aiment bien jouer, qui sont respectueux des règles. Personne n'est dans la logique de tricher ou d'abuser, mais c'est l'idée, c'est jusqu'où je peux aller tout en restant dans le cadre du jeu. Mais c'est-à-dire, genre, ce mot-là, ça peut aussi vouloir dire ça, donc je peux peut-être faire ça, et ça débat, donc voilà, ça peut être les profils, genre, relous, enfin, entre guillemets, relous. Quand il y en a plusieurs, on passe plus de temps à discuter qu'à jouer. Donc voilà, on met des garde-fous pour éviter, justement, des garde-fous comme on jette un dé, j'ai raison. Là, ça permet pour une partie simplement de dire, et on vérifiera après, sinon il y a trop d'inertie, enfin, c'est des petites règles pour éviter que ça déborde et que ça dure trop de temps. Mais non, donc du coup, j'ai pas une expérience énorme à part à l'échelle locale pour le jeu de société. Donc du coup, j'ai à part lire des forums, j'ai pas une expertise, on va dire, des gestions de communauté en jeu de société, pas plus que ça. Il faudra pas qu'on joue au jeu de rôle ensemble. J'aime beaucoup essayer de voir les failles, de m'engouffrer dedans pour faire ce que je veux. Oui, effectivement, mais peut-être que, enfin, le Séléné est peut-être plus témoin. Manifestement, je suis assez insupportable. Je drôle. Dixie Manuel Bedoué. Donc, non, je voulais voir deux points assez liés et qui font quelque part un écho à ce que tu dis, à ton expérience d'organisation de parties de jeux de société. Je crois que c'est l'anthropologue, je t'en parlais hier justement hors micro, c'est l'anthropologue David Graeber notamment a participé à Occupy Wall Street et qui a fait tout un tas de choses. Je sais plus si c'est dans le bouquin Bureaucratie ou dans une interview qui racontait que dans son réseau d'action libertaire, il racontait que eux, leur idée, c'était d'avoir une organisation non officielle, mais qui soit organique. Et en fait, ils ont eu qui marchait au don, prix libre, etc. Et ils ont eu un don de voiture, ce qui, du coup, est un peu embêtant parce que qui dit voiture, dit bah il faut un propriétaire légal, il faut des assurances, il faut etc. Donc ils étaient bien emmerdés. Et donc ce qu'ils ont décidé collectivement, ça a été d'organiser un événement où il fallait détruire la voiture. Et donc, du coup, fallait payer pour détruire la bagnole. Il fallait faire un don pour détruire la bagnole, un don monétaire qui permettait donc d'enlever cette contrainte légale à la gestion de communauté. Du coup, je trouve ça assez intéressant cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle montre comment gérer la contrainte extérieure, comment la communauté doit gérer une contrainte extérieure, qui peut être une contrainte, donc là, pour le coup, légale, mais ça peut être technique. Par exemple, sur Twitch, tu peux avoir des bots qui censurent, je sais pas, les gens qui écrivent en caplocks ou qui... enfin, moi, ça m'est arrivé de me faire censurer parce que j'écrivais en caplocks sans faire exprès, ou qui disent des gros mots, etc. Donc, c'est une première question, comment gérer une contrainte tierce? Et comment peut-être en tirer avantage. Et de deux, est-ce que, comment dire, il y a des mécaniques internes pour assurer peut-être le fait que le groupe marche sur le long terme. Je m'explique, par exemple, à Rennes, au Champ Libre, il y a ce que mes anciens collègues maintenant appelaient les rendez-vous 4C. Ce sont des rendez-vous faits par les visiteurs des champs libres pour les visiteurs des champs libres. Par exemple, je viens, j'ai envie de proposer un atelier tricot. En fait, le personnel des champs libres ne va pas s'approprier votre travail. Il va dire, très bien, vous voulez faire un atelier tricot, Est-ce que vous, il y a une, des gens intéressés? Et comment faire en sorte que bah, le jour où vous êtes crevé, vous n'avez plus envie, ou alors vous n'êtes pas là, vous êtes pété une jambe, comment faire que le groupe puisse continuer? Donc, ils ont mis tout en place tout un système de rôles. Donc, par exemple, voilà, il y a les accueillants, les personnes qui sont chargées d'accueillir les nouveaux, expliquer les règles, etc. Il y a les animateurs, ceux qui rangent, etc. Et donc, eux, ils ont mis en place une stratégie d'auto-préservation, en fait, du groupe. Donc, deux questions, comme je disais. Comment gérer un tierce partie dans la préservation de la communauté? Et de deux, comment justement assurer la préservation de la communauté? Enfin, quelle stratégie on peut mettre en place selon toi? Ouh là là, je peux dire plein de trucs. Donc déjà, je vais répondre plutôt à la 2. Effectivement, pour que ça dure, il y a toute cette idée de la transmission déjà, transmission des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Donc c'est pour ça que même si des fois, il y a des gens qui prennent des initiatives, qui coordonnent ou éventuellement qui ont un mandat, etc., il faut pas hésiter du coup à des fois travailler en équipe, transmettre les savoirs, faire de la démocratie directe, faire des réunions, du débriefing aussi, c'est-à-dire c'est bien d'avoir un plan, mais après c'est nous ce qu'on faisait par exemple à la fin de chaque saison, c'était un débriefing général à la fois sur les choses qui se sont mal passées techniquement, sur le ressenti des personnes qu'on travaillait, parce que c'est bien beau d'avoir l'intention d'eux, mais des fois il y a des choses qui se sont mal passées. Des choses qu'on ne perçoit pas, parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas, hein, c'est vrai dans pas mal de domaines, c'est-à-dire que de par la position qu'on a, ou etc., notre profil, il y a des choses qu'on n'aura pas vues, et débriefer, ça permet de voir du coup, il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné, comment on peut les corriger, pour que ça dure dans le temps, parce que sinon, ça va durer, mais ça va, il y a toujours des dynamiques, quels que soient les groupes, il y a toujours des dynamiques fascisantes. En gros, des dynamiques qui peuvent poser problème, en fait, où les gens vont se sentir pas inclus, ça va exclure des gens, ça va être, l'impératif de rentabilité économique peut dénaturer complètement le projet initial. Enfin, il y a tout un tas de trucs extérieurs qui sont liés. Enfin, c'est encore, le système est ainsi fait que ça peut vraiment réorienter, voire réécrire notre projet. Donc, c'est avoir conscience déjà, il suffit d'avoir fait quelques sciences humaines et sociales, avoir conscience de toutes ces déterminations. Et à défaut d'être complètement libre, au moins de voir que si on a de la liberté, elle est marginale, et de prendre ça en considération, de faire du débriefing, de la transmission des savoirs et des compétences pour pas se retrouver dans une situation, et ça c'est au-delà du cadre associatif, ça marche dans le cadre associatif, mais ça marche dans tout un tas de groupes. C'est pour ça que nous, dans beaucoup de groupes libertaires, on va faire ce qu'on appelle souvent une rotation des mandats rapide. Pourquoi ? Parce que les gens, aussi compétents et gentils qu'ils soient, on peut devenir au bout d'un moment techniquement dépendant d'une personne, soit de par la place qu'elle occupe, entre guillemets, politiquement, ça fait 5 ans que cette personne est là, et elle fait tout, donc, et elle s'en sent trop déléguée, ou parce que cette personne a ce qu'on appelle une hyper-spécialisation technique, et se retrouve justement, le jour où elle s'en va, plus personne n'est capable de faire ce travail, par exemple maintenir le serveur, etc. Et donc du coup, ça met en péril la communauté. Et donc c'est pour ça, essayer d'éviter au maximum sur le long terme la dépendance, on va dire, technique et politique, quoi, que les gens, que ça tourne, un maximum, même si on peut pas tout le temps effectivement tout transmettre à tout le monde, mais essayer de faire des rotations, de faire un maximum de démocratie, de consultation au moins, au minimum, pour éviter ces problèmes de dépendance. Et ça c'est vrai bien au-delà des cercles associatifs, hein, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans tout un tas de cercles, en tout cas par rapport à ce point-là. La première chose, par rapport aux contraintes extérieures, alors ça dépend ce qu'on entend par contraintes extérieures. Est-ce qu'on considère, par exemple, que devoir vivre un peu de son activité est une contrainte extérieure? D'une certaine manière, oui, c'est l'économie. C'est un vrai problème. Donc, de manière générale, en fait, moi, ça a été mon expérience contradictoire. C'est qu'à la fois, enfin, moi, je n'y prête pas du tout attention, parce que toutes les choses que j'aime faire, je préfère ne pas me sentir aliéné et faire au mieux ce qui me semble juste et ce qui me trouve intéressant. Et il se trouve que pour des raisons non pas magiques, mais des raisons que je ne vais pas détailler, c'est quasiment tout le temps des choses qui ne sont pas rentables économiquement. Il y a comme une loi universelle de gravité qui fait que plus une activité est intéressante, vertueuse, sociale, etc., moins elle est rentable. Évidemment, on peut donner des... Quand on transforme le monde social, le fait de militer, par exemple, ça prend énormément de temps, sans parler de la charge mentale, ça change le monde, enfin, c'est vraiment une des activités les plus nobles. Je veux dire, économiquement, c'est zéro, donc c'est pas rentable. Par contre, imagine qu'il y a, banquier, au sens finance, tu fais de la finance internationale, Là, c'est carrément même nuisible parfois au monde, et par contre, c'est extrêmement rentable. Alors, on pourra trouver des contre-exemples. Il y a quelques personnes, des fois, qui font un boulot qui est plutôt pas mal et plutôt bien payé, mais c'est une minorité de gens. Il y a énormément de gens qui ont, à l'heure actuelle, qui sont quand même, tout le monde est bien éduqué, qu'on soit ingénieur, ouvrier, enfin, beaucoup, en fait, que ce soit faire des études ou pas, parce que moi, j'ai pas la culture du diplôme, ça peut être par les études, ça peut être parce que on suit des gens sur Twitter, des militants, on milite soi-même, on est concerné par une discrimination, mais il y a tout un tas de raisons qui vont faire qu'on est très éduqué, on est une population très éduquée, mais très précaire aussi. Et parmi les précaires, comme chez les pas précaires, il y a plein de gens qui disent « moi j'ai mon boulot, je le fais, mais franchement, qu'est-ce que mon boulot est pas intéressant ?» Le nombre de devs, en fait, qui du coup sont correctement payés, parce qu'on est très dépendant techniquement des devs, bah, qui font un boulot, ils disent « mais putain, mais mon boulot, il est pas hyper intéressant, quoi. » C'est-à-dire, je le fais, mais le nombre de devs, moi, dans mes équipes dans lesquelles j'ai bossé, étaient bénévoles, ils donnaient plein de temps. Des fois, les gens, ils étaient au boulot, ils bossaient pour le projet bénévole, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on leur demandait de faire était soit fait hyper rapidement, ils sont payés à la tâche, et des fois, il y a des gens qui bossent hyper vite, donc du coup, ce qui était, si on disait faut le faire en 12 heures, ils le faisaient en 4, donc ils faisaient 8 heures, en fait, sur les projets associatifs, au boulot, en discutant, toujours dispo. Très, très cool. Super pratique. Et en tout cas, c'était intéressant. Enfin, de voir que si on a cette contrainte économique, ce qui est pas censé être le cas dans l'associatif, mais on sait tous que des fois, c'est la réalité, et il peut y avoir des fois des groupes associatifs qui vont commencer à tourner, entre guillemets, plus comme des boîtes, comme on a des fois des boîtes qui tournent de manière plus associative, parce qu'indépendamment de l'idéologie, il y a des fois, de la structure administrative, c'est qu'il y a les affinités politiques, la manière dont on s'est organisé, qui va faire que on va agir d'une certaine manière, et des fois se retrouver en contradiction avec un cadre. Enfin, moi, par exemple, ça a été, à l'époque, on voulait, donc en 2011, je crois, créer juste des micro-entreprises pour bosser ensemble. Les impôts nous ont dit non, il faut créer une SARL, vous n'avez pas le choix, sinon vous êtes dans l'illégalité. Ah bon ? Alors nous, on était des newbies, donc on a dit ok, on fait notre SARL. Et on a appris que ultérieurement, qu'en fait, c'était. Enfin, de notre manière de fonctionner, on fonctionnait beaucoup plus comme une asso, techniquement. Et la preuve, c'est qu'on a énormément des fois d'assos, en fait, qu'on fait passer sur les comptes de la boîte, simplement parce que c'est par commodité, en fait, on peut facturer. Mais techniquement, en fait, c'est des projets associatifs, en fait, informels. Les contraintes administratives sont énormes, parce qu'on se retrouve des fois dans la contradiction de faire des choses, en fait, associatives au sein d'une boîte, ou inversement, de par les contraintes administratives, économiques, politiques, au sein d'une association. Typiquement, quand on commence à avoir des salariés, et c'est pas pour dire « Oh, les méchants salariés, c'est plutôt structurel », c'est qu'on va avoir des impératifs de rentrée d'argent pour payer les salariés, qui du coup, une partie de leur activité, ça va être trouver de l'argent pour financer l'association, et un des gros budgets de cette association, c'est la masse salariale. Et du coup, dans le cadre associatif, ça peut poser des cas, des fois, surréalistes. Que ce soit parce qu'il y a l'impératif de faire rentrer de l'argent. Donc au début on se dit nous il y a notre charte, faut qu'on fasse ci, mais des fois si on nous dit on a beaucoup d'argent, si on met un logo de ceci ou de cela, on peut se retrouver sans qu'on s'en rende compte, ou des fois on fait des petites concessions qui sont peut-être marginales, mais c'est des petites concessions qu'on n'aurait pas faites si on était dans un système par exemple de salaire à vie, de revenu universel, où on déconnectait complètement le travail, non pas au sens d'emploi mais au sens de transformer le monde social et matériel. Je veux dire, moi, je passe mon temps, et non, les gens ne seraient pas sur des transats. Ils feraient plein de trucs, ils militeraient. Alors certes, peut-être qu'il devrait, y a des activités vues comme plus pénibles socialement qu'il faudrait valoriser un peu plus, et c'est le cas classique de sortir les poubelles. Je pense que les gens le feraient dans une certaine mesure. On sort tous nos poubelles, je vais faire le vert, mais après, il y a peut-être un peu de coordination des choses. Mais en fait, pour la plupart des activités humaines, il existe plein de modèles, en fait, beaucoup plus vertueux que le modèle dans lequel on est, parce qu'on va se retrouver avec des contraintes administratives et économiques qui sont telles qu'on évite, soit on est aliéné, c'est-à-dire on est le produit de notre travail, on ne nous reflète pas, c'est l'être autre, enfin c'est ça littéralement l'aliénation, ou vraiment un malaise, enfin le malaise au travail, l'impératif de rentabilité qui fait qu'on est extrêmement précaire, enfin c'est que des, enfin pour la plupart des gens c'est l'un ou l'autre ou les deux, et c'est des situations extrêmement difficiles. Et clairement, enfin, c'est des modèles défaillants pour tout ce dont nous parlons. Donc, j'ai une dernière question à te poser avant qu'on passe à la question rituelle de fin d'épisode. Non, je suis pour qu'on continue si on a encore des choses à dire. Alors, pour l'instant, j'ai pas d'idée, mais peut-être que la réponse va m'inspirer, je ne sais pas. On verra, mais on va essayer de pas dépasser quand même l'heure et demie. Hein, on est sur Internet, bordel. C'est ça l'anarchie. L'anarchie ne s'abstrait pas de règles. Et nous avons un format. la question que je voulais te poser, c'est une question d'ouverture en fait. C'est est-ce que il y a des idées que tu aurais dans la gestion communautaire et que tu n'aurais pas encore eu l'occasion d'expérimenter et que tu voudrais appliquer dans un futur plus ou moins proche. Alors, j'ai conscience que c'est une question qui est potentiellement compliquée à répondre, donc tu as quelques secondes pour y réfléchir. Alors j'ai pas d'idée absolument novatrice. C'est plutôt la continuation d'une trajectoire personnelle, on va dire politique, au sens où à force en fait de se documenter, de rencontrer des gens, c'est-à-dire de côtoyer des cercles, notamment en fait qui font des cercles libertaires, des cercles féministes, LGBT, etc. C'est-à-dire des gens qui vont se questionner et sur un certain nombre par exemple de discrimination ou de solutions économiques, etc. Du coup, c'est toujours que ça fait des nouveaux éléments qu'on prend en considération, ne serait-ce que ça. Parce que du coup, on faisait bien, mais peut-être que sur des points, on faisait pas bien. Et du coup, ça fait que simplement, on a des grilles supplémentaires qui font qu'on va peut-être faire mieux. On a conscience d'un problème, ça veut dire qu'on va le solutionner tout de suite. Mais déjà, pour être plus inclusif, pour s'adresser à plus de gens, ne serait-ce que ça, une manière de fonctionner. Par exemple, quand on a une culture matérialiste marxiste, on s'aperçoit, par exemple, que le réel social est déterminé par les rapports de production au sens large. Donc la manière dont on va s'organiser, les outils techniques qu'on va utiliser vont déterminer nos rapports sociaux. Je le fais en très très court et voilà, on pourrait gloser. Bah typiquement, ça veut dire, on pourrait dire, ah un jour, là je vais faire de l'histoire de l'humanité. Donc du coup, on est vraiment, il y a des milliers d'années, il y a des gens qui se sont dit, première hypothèse. Hypothèse individualiste, hypothèse des génies, hypothèse romantique, ou voilà, qui vont se dire, il y a des gens, ils se sont dit, tiens, je vais écrire des trucs, et je vais écrire, du coup, mes pensées pour faire un meilleur système. Hypothèse basée sur les individus, sur le fait que les gens se sont dit, je vais en avoir besoin pour faire ça, donc je vais inventer l'écriture. Historiquement, c'est complètement faux. C'est l'inverse qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, il se trouve qu'on a commencé à avoir une technologie qui permettait d'écrire, et on a eu besoin pour notamment des rapports marchands, d'échanges. Pour l'écriture a commencé, c'est strictement des échanges marchands. Et deuxièmement, il y a eu la révolution, ce qu'on appelle l'âge du fer, qui fait qu'on a eu des outils meilleurs, qui ont augmenté la productivité de l'agriculture, qui ont permis du stockage, ce qui a libéré du temps à des gens. En plus, il y a une technologie qui se développe à cause des échanges marchands. Et du coup, du temps plus un nouvel outil, il y a des gens qui ont commencé à écrire. En fait, l'approche matérialiste au sens large, c'est l'idée qui réfléchit sur la réalité matérielle, et même dans, des fois ça peut être aussi du rationalisme abstrait, c'est-à-dire aussi c'est les institutions qui vont faire que c'est les conditions d'apparition en fait des idées et des pratiques. C'est-à-dire que aussi génial qu'on soit, on va peut-être être la personne qui historiquement le visage qui a fait que telle idée a été poussée, on n'aurait pas été là. Enfin, dans un autre endroit à la même époque, c'est ce qu'on voit souvent historiquement, quelqu'un a la même idée, ou deux mois après serait une autre personne mais qui va faire la même chose, comme s'il y avait un petit peu le contexte. Et prêt pour un petit peu qu'une idée ou qu'une pratique naisse. Donc c'est et pour les trajectoires individuelles, ça peut être vrai aussi. C'est-à-dire qu'au sens qu'on se documente en fait, par exemple sur des pratiques autogestionnaires, plus de démocratie directe, sur les grilles de lecture contre les oppressions, au fur et à mesure on affine. Eh ben, on va forcément faire les choses différemment. Donc pour faire les choses mieux, déjà, je trouve, c'est se documenter. Déjà sur en économie, sur les questions des oppressions, sur tout un tas d'outils qui vont nous permettre de nous questionner, et ça va pas résoudre tous les problèmes, mais déjà vu qu'on se pose ces questions dans sa pratique, on va pouvoir voir les erreurs qu'on a fait, qu'on va peut-être pas refaire, et peut-être faire les choses mieux. En fait, la déconstruction et la proposition de modèles de manière générale, et on est bien, c'est une réponse qui va bien au-delà en fait de celle qui m'a été posée, mais c'est un des points les plus intéressants parce que ça va permettre de faire les choses mieux eu égard à nos standards plus exigeants. Et c'est pour ça que par rapport à la question, non pas celle-ci, mais encore celle d'avant pour lier les deux, c'était l'idée que comment faire que ça dure dans le temps ? Eh bien, je suis pour et contre le principe de constitution. Je m'explique. La constitution, c'est typiquement quelque chose qui fait durer une société dans le temps. On va dire, oui, les pères fondateurs, parce qu'il y avait des pères à cette époque-là, mais les pères et les mères fondateurs, fondatrices, ils écrivent un truc, et voilà, donc c'est bien. Et il y a sans doute des éléments intéressants. C'est important d'avoir des garde-fous, je pense. Par exemple, tu arrives dans un cercle, tu dis, bon, on va discuter de plein de choses. Par contre, les sexistes et les homophobes, vous dégagez. OK, parfait. Le problème, c'est que je pense qu'autant je suis pour qu'il y ait une constitution, même dans des cadres, en fait, ça peut être décidé de manière démocratique, pas de manière autoritaire. On va faire une constitution, une charte. Mais il faut toujours avoir l'idée que c'est quelque chose qui est révisable si on a des nouvelles connaissances. C'est-à-dire, c'est très bien d'écrire en 1700 bidule cette constitution. On a peut-être fait le mieux qu'on pouvait. Au XXe siècle, il y a eu plein de sciences humaines et sociales qui ont été faites. on a conscience d'un nombre d'éléments et d'alternatives, on est, pour moi, on est obligé de réécrire. C'est-à-dire, on va faire mieux, c'est-à-dire que c'est une mise à jour. Humainement, on met plein de ressources pour que des gens réfléchissent, testent des choses, il faut les appliquer. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, on a des... Et du coup, on va dire, bah regardez, on va réécrire un certain nombre d'éléments qui nous paraissent plus justes, eu égard de critères de discrimination, d'économie, de distribution, peu importe les critères, espérons qu'ils soient progressistes, mais on va dire voilà. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il faut réviser cette constitution pour reposer un cadre, ne serait-ce que pour que les générations s'y retrouvent, parce que l'idée, c'est que tout le monde participe à l'écriture. Et au bout d'un moment, avec le jeu des générations, on se retrouve, cette constitution, elle nous est imposée. Et ça, c'est important, en fait, de re-regarder du coup ce qui s'est passé, peut-être de pas changer grand-chose, mais de dire, bah maintenant, tel mot, sémantiquement, tel mot, en fait, qui était un peu flou à l'époque, on va le redéfinir et on a conscience de telle ou telle chose. On va proscrire tel outil qui était une bonne idée, mais on voit que ça a des dynamiques terribles, donc on va, hop, etc. Pour cadrer, justement, mettre à jour nos connaissances et nos pratiques pour faire au mieux. Et ce sera pas parfait, et l'idée, c'est pas de se flageller, c'est juste dit, on peut faire mieux, on a des outils, faisons-le. Même si des fois, il y en a qui sont dans une position économique ou sociale qui font que, forcément, ils vont être un peu résistants. Parce que là, forcément, ils sont, comme ils sont vraiment très privilégiés dans certains cas, ça peut être, ils vont pas être spécialement, ils ont pas envie spécialement que ça bouge. J'ai deux questions en fait qui sont très liées et qui prolongent en fait ta réponse. Toi dans ton expérience politique, associative, professionnelle, personnelle, quand même affective, pourquoi pas. Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui a privilégié et pourquoi entre le consensus, il peut y avoir des consensus forts, consensus mous, même si, voilà, la démocratie, qui est une sorte de, certains le jugent, tyrannie de la majorité. Qu'est-ce qu'il faut privilégier entre consensus et démocratie ? Et autre questionnement, qu'est-ce qu'il faut privilégier entre efficacité et élégance ? Je m'explique. On peut avoir des solutions très efficaces, mais inélégantes, qui ont des défauts, ou peut-être qui ne paraissent pas, optimales. Et élégance, avec une certaine économie de l'effort, mais qui arrive à rendre globalement le résultat voulu. Qu'est-ce qui est privilégié entre consensus, démocratie et élégance et efficacité ? Alors, juste par rapport à élégance, moi j'utiliserais pas ce terme. Ce que j'opposerais, enfin, ça s'oppose pas strictement, mais on va dire ce qu'on met dans la balance entre efficacité, un des synonymes serait dans certains cas pragmatisme, ce serait plutôt justice sociale au sens très très large. C'est-à-dire qu'il y a des modèles par exemple qui vont être efficaces, mais qui vont être pas justes, enfin qui vont être injustes en l'occurrence, sur tel ou tel point. Donc je dirais qu'à élégance ou justice sociale égale, il faut privilégier l'efficacité. Mais clairement, c'est pas le critère que je privilégie. C'est-à-dire que, à justice sociale différente, je vais préférer quelque chose de moins efficace. Alors après, c'est en fonction, parce qu'on peut imaginer, c'est peut-être mieux pour beaucoup. Bah, c'est déjà pas mal, et c'est très efficace. Donc c'est, ça dépend des critères aussi que l'on a pour juger l'un et l'autre. Surtout, l'efficacité, on a l'impression que c'est plus facile à juger que la justice sociale. Mais même l'efficacité, il nous faut des critères. Est-ce que c'est une efficacité en nombre, vision utilitariste, genre ça touche plus de gens, on maximise le bien-être du plus grand nombre, enfin on fait une sorte de, on multiplie la somme de bonheur qu'on a gagné par tête de pipe et ça nous donne un chiffre, et on nous dit on a maximisé, vision utilitariste, qui sur le papier on peut se dire oui c'est pourquoi pas. Effectivement des fois on va avoir des minorités qui sont exclues parce que du coup elles sont quantité négligeable dans notre système. Donc essayer du coup de voir est-ce que c'est l'efficacité aussi dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'on veut le résultat maintenant ou est-ce qu'on le veut sur le long terme. Donc c'est pareil, il faut à chaque fois des critères pour déjà définir efficacité et justice sociale, c'est assez complexe. Mais à part des situations d'urgence où là, bon, effectivement, il faut être efficace, je pense des fois mieux vaut prendre son temps en fait pour faire un système plus juste. C'est-à-dire typiquement, tu le parlais, avoir des garde-fous pour donner la parole aux minorités, parce que forcément, c'est souvent des contre-arguments, entre guillemets, c'est la tyrannie de la majorité qui est possible. Donc on se retrouve on va faire ci, parce que c'est mieux, parce qu'on est plus nombreux. Donc déjà, c'est quel système on utilise pour faire passer les décisions ? Est-ce que c'est juste la majorité ? Est-ce qu'il faut les deux tiers ? Est-ce qu'il faut une position unanimiste ? Il y a des gens qui défendent l'unanimisme. Ça existe dans certains milieux anarchistes. Seul problème, effectivement, c'est qu'on voit que là, ça peut être très complexe si on commence à avoir des tailles de groupes très grands. Parce que là, unanimiste à 10, nous, par exemple, on a une forme, le consensus, nous, c'est ce qu'on pratique avec des groupes libertaires, mais on est des groupes entre 6 et 12. Donc, en gros, on va pas chipoter sur chaque point, mais globalement, on va être plus ou moins d'accord. L'idée, c'est que on va formuler les choses de telle sorte que tout le monde soit d'accord. Mais effectivement, quand on commence à être 100, 200, 1000, là, on voit qu'il y a, clairement un problème. Mais là, il y a des modèles démocratiques vachement plus pertinents que la démocratie représentative, typiquement, de modèles. Modèle avec des mandats impératifs. L'idée, en fait, c'est que les gens... Ce qui est chiant, c'est que le mot représentatif est vachement flou, il ne dit pas ce qu'il fait, ou du moins, c'est un faux ami. Parce que vous me donnez votre voix, je suis un représentant, j'ai l'air vachement sympa, vous me donnez votre voix. Donc, il y a démocratie représentative, donc je représente ce quartier. Et ce qui est, en soi, c'est pas problématique de donner notre voix, le problème, c'est que souvent, les élus n'ont pas de compte à rendre. C'est-à-dire que si j'ai dit quelque chose et que je le fais pas, ou si je fais quelque chose que j'ai pas dit, eh ben, vous ne voterez pas pour moi la prochaine fois, mais de toute façon, c'est un autre une autre du même parti qui se présentera, etc. Il n'y a pas de compte à rendre, ce qui est problématique. Et donc, l'idée, c'est que quand on peut, c'est les gens qui se représentent le mieux eux-mêmes, donc un maximum de démocratie directe, et quand on peut pas, il y a un système plutôt de mandat que de représentant, et c'est révocable. Si je ne fais pas mon travail, je peux enlever ma voix à cette personne. J'ai des comptes à rendre, ce qui fait que si j'ai pas fait, c'est comme une feuille de travail. Si, par exemple, j'ai une mission et que je la fais pas, eh ben, je serais sanctionné, c'est prison. C'est pas juste des fois inéligibilité, ça peut être sanction économique ou prison. Inéligibilité pendant 20-30 ans, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai dit que je faisais ça, je le fais pas. Il faut que je rende des comptes, j'arrive et on me juge. Et du coup, voilà. Donc c'est important qu'il y ait une responsabilité parce que du coup, c'est pour ça que plein de gens, en fait, je pense, dans le système actuel, des fois votent pas parce qu'en fait, il y a le côté genre, bah, de toute façon, on vote pour lui ou pour elle, mais. Les gens vont rarement faire ce qu'ils disent, donc il y a un petit peu ça dépite un peu, on va dire. Mais enfin voilà, tout ça pour dire, là je m'éloigne, mais il y a plusieurs modèles démocratiques. Il y a des modèles en fait où on est plus direct et où on mandate les gens avec des rotations de mandat et une responsabilité, mandat impératif. C'est important d'avoir ça en tête, justement, pour ça évite un certain nombre de problèmes en tout cas. Je propose qu'on passe à la question de fin d'épisode, qui est la même question pour tout le monde lors de cette saison, qui est la cinquième, c'est ça ? On a du mal à tenir le compte des saisons chez Ludologie. Donc, cette question qui est posée à toutes et tous nos invités, c'est : est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience, ou du moins de ton premier souvenir de jeu ? Là, on fait fonctionner la mémoire. Alors, j'ai plutôt donné quelques éléments de réponse parce que c'est une période où ma datation est très mauvaise. Donc, j'ai des souvenirs un peu nébuleux. Je ne suis pas parfaitement sûr de la chronologie. Mais un de mes premiers souvenirs, c'est pas forcément le souvenir qui a été le plus marquant pour moi. Enfin, le jeu n'a pas été plus marquant que ça, mais m'a impressionné au sens premier du terme, enfin, au sens phénoménologique. Ça a été une expérience vraiment radicale. Ça a été Super Mario Bros, premier du nom, du coup, sur NES. Pourquoi ? C'est la première fois qu'on achetait une console de salon. J'étais dans une famille, dans un milieu où il n'y avait pas d'ordinateur, donc il faut imaginer, c'est la première fois que j'ai un dispositif avec lequel je peux interagir. J'avais déjà vu des jeux dans des bars, mais il fallait mettre des pièces, des bandes d'arcade, donc j'avais déjà vu, j'avais des éléments qu'il y avait aussi dans les fêtes foraines à l'époque, qui étaient un lieu dans lesquels on avait des bandes d'arcade, donc j'avais de manière très diffuse, vu déjà quelques images, mais le fait parce que moi, je regardais beaucoup la télé quand j'étais jeune, donc c'est un dispositif très vertical, donc ça, on regarde des films, des émissions, des pubs aussi quand même. Hein. Et donc, j'ai été émerveillé par le fait que je puisse toucher sur des boutons et que ça anime mon personnage. À cette époque-là, j'étais vraiment tout jeune, j'avais pas ni les compétences techniques et en game design pour vraiment appréhender la chose, mais du coup j'en garde une impression d'émerveillement au sens premier du terme, au sens même comme ça peut avoir dans les sociétés magiques, c'est-à-dire en gros c'était de la magie quoi, c'était tellement beau, c'est un des plus beaux souvenirs, j'ai juste un plan fixe, le jeu ne m'a pas marqué plus que ça, mais j'ai cette image d'un plan fixe, juste le personnage qui fait ses premiers pas, mais presque à pleurer. C'est-à-dire qu'en gros, collé à l'écran, parce que du coup, avec mon frère, on n'était pas loin, les écrans étaient beaucoup plus petits à l'époque, mais le nez collé, littéralement collé à l'écran, parce qu'on était émerveillés, et c'était littéralement incroyable. C'est-à-dire que moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs, on va dire, purs. Merci pour ce récit de reprise de pouvoir sur l'écran et sur la machine, quelque part, parce que c'est un peu ça. Du coup, ça rejoint ce qu'on a dit tout au long de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été aussi généreux en explications et en détails. Cela conclut notre épisode de ludologie sur la gestion d'une communauté de joueurs et de joueuses. Tu as quelque chose à rajouter peut-être, Yann ? Oui, mais je vais pas le faire parce que en fait, effectivement, on pourrait parler plus longtemps, mais c'était après. Mais j'aime bien que la discussion soit aporétique parce que une aporie, en gros, c'est-à-dire l'idée que tout n'aura pas été dit. Il y aura peut-être des fois des petits points de tension qu'on n'aura pas éclaircis. Ça solutionne pas tout. Les apories utilisées chez Platon en l'occurrence, et c'est très bien parce que du coup ça donne envie de rediscuter et c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup on a parlé l'émulation et l'entraide, j'avais aussi des choses à dire, mais finalement c'est pas très grave. On a déjà donné pas mal d'éléments. En tout cas, moi c'était un plaisir en tout cas d'être là voilà, de revenir à Rennes vous voir, et au-delà de l'émission simplement, parce qu'évidemment après on sera un jeu de société et tout, donc voilà, ça va être très très agréable comme moment. Et n'hésitez pas vous-même à participer, que ce soit, on l'a dit en commentaire, ou à y aller aussi de vos propres réflexions sur le sujet. En attendant, de toute façon, on se retrouvera dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ludologie. Et en attendant, reprenez le pouvoir, sentez-vous légitime. Sentez-vous légitime, quel que soit votre genre aussi, on en a parlé. Hein. Et surtout, amusez-vous bien et prenez soin de vous.